4x4, des poursuites en voiture, attaqué par des géants, l'air féroce et menaçant. Le héros embrasse sa belle et l'emmène au 7e ciel. Dégaine son flingue en un éclair. Le flic intractable poursuit les méchants notables. Perdu dans la galaxie, le vaisseau s'enfonce dans l'espace infini. Le héros est toujours là, il emmène sa belle au Nirvana. Sont riches et pleins d'espoir. On imagine